face de leur dossier, dossier déjà classé. Ce n'est qu'un chant, ce n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. Yedina, Yedina, je chante pour ne pas accepter. Yedina, en chanson, un refrain pour soutenir les frères. Expulsé du territoire français, reconduit, menotté aux frontières, frontières pour un destin tracé, une ligne pour dénoncer nos travers. Tradition n'est pas toujours sagesse, africain, on ne l'est pas qu'au passé, passons à la suite assez. Ceci n'est qu'un chant, ceci. Saviez-vous que Télé-Cogeco vous offre à chaque jour les plus importantes nouvelles qui touchent les gens de notre région? L'émission Connectée sur la Mauricie est au cœur de l'actualité et vous livre des reportages pertinents concernant la vie municipale, culturelle, sportive, économique et bien sûr, scolaire. Connectée sur la Mauricie à tous les jours 17h15 sur Télé-Cogeco Câble 11. Pour les rediffusions, consultez tvcogeco.com. Qui sait, peut-être y verrez-vous des gens de l'UQTR à l'écran. Télé-Cogeco, des vraies nouvelles d'ici. Le Pouza Fest, les 20, 21 et 22 mai prochains. Enfin, un festival punk d'envergure au centre-ville de Montréal. 3 jours, 4 salles, 120 bandes, dont Bad Astronaut, Channel 3, Lifetime, Such Gold, The Queers, The St. Catharines, le retour de Roller Starter, Zero Boys et une centaine de groupes d'ici, des États-Unis et d'Europe. Pour consulter l'horaire et acheter votre passe de 3 jours, une adresse, PoozaFest.com. Les mardis de la relève du Gambrinus. Tous les mardis dès 21h, viens découvrir des bands qui ont du talent. Nombreux prix de présence. Les gagnants de cette 14e édition mériteront plus de 10 000 $ en prix, dont des séances d'enregistrement studio et de la diffusion sur les ondes de C'est Fou. Les mardis de la relève du Gambrinus, une collaboration TV Cogeco, musique Daniel Côté, Frère Danque, La Barrique, studio Voxstone, studio Newton, production Joshua et C'est Fou 89.1. Ta blonde ou ton chum te fait de la brume dans tes lunettes? Eh bien, débarrasse-toi-en. Les lunettes, bien sûr. Chirurgie au laser pour enfin être libre. Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, voirclair.ca. C'est fou! 89-1-1. Et à toutes, vous êtes à C'est Fou 89.1, la radio campus de Trois-Rivières. Bienvenue à Connaître Ensemble, c'est notre avant-dernière émission avant la fin de la session. Alors, vous êtes à l'émission pour tout savoir en pratique sage-femme par les étudiantes du bac de l'UQTR. Mon nom est Annie Brousseau-Arcan et je suis votre co-animatrice avec Véronique Bazinet et Jessica Boulanger. Avertissement, les propos tenus lors de cette émission représentent exclusivement l'opinion des membres de l'équipe de l'émission et ne peut être associé à aucune autre organisation. Ils ne reflètent aucunement l'opinion des sages-femmes. Alors, ce matin, le sujet de notre émission est la pratique sage-femme dans un contexte international. Alors, en première partie, nous aurons la chance de discuter avec Mme Manon Lachapelle, qui est diplômée de la pratique sage-femme de l'UQTR et qui a fait un stage au Mali en 2009. Et en deuxième partie, nous allons nous entretenir avec Mme Lise Gagnon, qui est une sage-femme québécoise qui a fait un séjour en Haïti dans un contexte de travail humanitaire. Alors, ce matin, quand nous parlons de travail humanitaire et de coopération internationale dans un contexte de pratique sage-femme au Québec, donc, comme on en a parlé la semaine passée un peu à l'émission, les étudiantes du bac en pratique sage-femme ont la possibilité de faire un stage à l'étranger au cours de leur troisième session. Donc, si elles le désirent, elles peuvent aussi ouvrir un nouveau milieu de stage si jamais le pays dans lequel elle désire aller n'est pas encore ouvert. Donc, on vous a mentionné la semaine passée qu'il existait certains milieux prochainement où les étudiantes étaient pour aller, dont le Népal, le Mali, la Polynésie. Ce n'est que pour nommer ceux-là. Donc, ce matin, Manon Lachapelle, comme on l'a dit, qui est diplômée depuis 2010 et qui pratique maintenant à la maison de naissance à Sherbrooke, qui a pris, si je peux dire, le risque de développer un nouveau milieu de stage au Mali. Et nous l'accueillons aujourd'hui avec un grand plaisir pour qu'elle nous partage son expérience de séjour à l'international. Bon matin, Manon. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Alors, quand tu étais au bac, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller étudier à l'étranger pendant une session? Bien, en fait, l'idée d'aller à l'étranger, c'est quelque chose qui m'a toujours habité dans les voyages que j'ai faits auparavant. C'est l'opportunité de découvrir d'autres façons de faire, d'autres façons de penser. Et puis, dans un contexte d'apprentissage clinique, je trouvais que c'était encore plus intéressant. Ça venait diversifier, justement, les apprentissages qu'on pouvait faire en tant qu'étudiante sage-femme. Et puis, on apprend beaucoup en faisant des stages en maison de naissance. On apprend beaucoup de la façon dont les sages-femmes québécoises font. Mais je me disais, mais ce serait intéressant de voir comment les sages-femmes pratiquent à l'étranger, dans un autre contexte. Puis, l'Afrique de l'Ouest m'intéressait quand même depuis un certain temps. Puis, je me suis dit, quelle meilleure façon que de combiner là, ces deux passions-là. Puis à ce moment-là, le Mali n'était pas encore un milieu qui était ouvert, en fait, pour les étudiants. Non, effectivement, moi et une autre étudiante, on avait songé à aller faire un stage en Afrique de l'Ouest. On avait fait quelques démarches chacun de notre côté. Et puis, ça n'avait pas porté fruit dans un premier temps. Puis, on s'était même aligné pour faire un stage en bout de ligne à Madagascar. Et puis, les choses se sont déroulées autrement dans la mesure où il y a eu une instabilité politique au moment où on était en démarche pour concrétiser notre stage à Madagascar. Et finalement, ben, on a dû se revirer très rapidement et les circonstances ont fait que quelqu'un a pu nous aider à trouver un milieu de stage au Mali. Et ça a été vraiment un beau cadeau, là. Oui, puis donc tu es allée là-bas en 2009. Ouais. Et puis, quand vous êtes arrivés, est-ce que vous êtes partis deux, finalement, les deux ensemble au Mali? On devait partir deux. Et puis, nous, à l'époque, on faisait un stage en quatrième année. C'était notre stage 4. Depuis, la grille du programme a été modifiée. Et puis, il y avait aussi deux étudiantes en troisième année qui prévoyaient aller au Gabon. Et finalement, elles se sont joints à nous pour aller au Mali. Donc, on était deux étudiantes de stage 3 et deux étudiantes de stage 4. Puis, à votre arrivée au Mali, comment vous avez trouvé ça? La première chose qui vous a frappé? Oh, la chaleur. La chaleur. La terre rouge, les couleurs, ouais. La vie, les sourires, les salutations, les odeurs, les marchés. C'est vraiment une stimulation des sens. Et puis, c'est vraiment, pour moi, ça a été un coup de cœur. On est un peu dans une bulle d'euphorie là, quand on arrive parce qu'on sent qu'il y a tellement de vie et puis de vitalité. C'est vraiment extraordinaire. Puis après ça, ben, ça a été la découverte. Ça, c'est l'arrivée au Mali, mais ensuite, il y a eu l'arrivée en salle d'accouchement, oui, qui a ça. Été vraiment comme un deuxième, un autre voyage ouais. en soi, là, où là, nos repères aussi sont complètement différents, où la façon dont les accouchements se déroulent est différente d'ici, et puis où on a fait des découvertes là, vraiment surprenantes. Puis au niveau de l'accueil ou de l'intégration dans le milieu, en tout cas, je sais que nous, quand ils nous parlent du Mali, ils nous disent toujours ils ont tellement hâte de vous rencontrer, d'aller vous accueillir quasiment même jusqu'à l'aéroport. Je ne sais pas si toi, c'était le cas. Oui. Bien, on est arrivé en deux temps. Dans notre cas, nous, deux d'entre nous, ça n'a pas été le cas, mais c'était prévu comme okay. ça. Et deux autres, oui, les deux autres étudiants. Mais oui, effectivement, le sens de l'hospitalité, de l'accueil, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué là, dès notre arrivée. Puis ça faisait partie des nombreux apprentissages que moi j'ai fait en étant là-bas. Je me disais, mais on a tellement à apprendre de ça, nous, en étant ici au Québec, par rapport à l'accueil qu'on réserve aux gens qui arrivent de loin ou ne serait-ce que la façon dont on accueille ou on salue quelqu'un en début de journée ou ouais. dans notre milieu de travail, à l'école. Donc ça a été une belle découverte. Puis là, c'est évident qu'il y avait des différences avec la pratique. Là, bon, pour toi, c'était ton quatrième stage, donc tu étais quand même rendu loin, si je peux dire, dans tes stages, mais c'est sûr qu'il y a eu des différences marquantes, j'imagine, avec la pratique québécoise et la pratique Malienne? Oui, tout à fait. Ben, à la base, les sages-femmes, peu importe l'endroit où elles pratiquent, elles ont le mandat ou la responsabilité de s'occuper des grossesses, du suivi d'une grossesse ou d'un accouchement qui se déroule normalement, ce qui est notre cas aussi au Québec. Mais on est habilité à intervenir en situation d'urgence et à repérer les situations potentiellement pathologiques. La différence, c'est qu'ici au Québec, on a la chance de travailler dans des maisons de naissance qui sont un lieu vraiment unique. Mais au Mali, les sages-femmes travaillent principalement dans des centres de santé de première ligne et au besoin, elles vont transférer les situations plus à risque à un centre de deuxième ligne. Nous, on se retrouvait dans un centre de référence, justement, un centre de deuxième ligne où on voyait des femmes arriver avec des problèmes de santé particuliers, des problèmes au niveau de l'accouchement. Donc, le contexte de stage en partant était différent. Mais la façon de pratiquer pour des sages-femmes là-bas aussi est différente dans la mesure où il y a comme une rotation dans les milieux où elles vont pratiquer. Donc, souvent, elles vont faire, mettons, 6 semaines. Sans être précise, elles vont faire un certain nombre de semaines en clinique prénatale, ensuite un certain nombre de semaines en salle d'accouchement, ensuite en postnatale où là, les femmes vont revenir avec leur bébé. Donc, c'est différent de notre pratique dans la mesure où nous, on va suivre les femmes du début de la grossesse jusqu'à 6 semaines postnatales et on va tisser un lien avec les femmes là, tout au long de cette période-là. Et puis, l'approche avec les femmes là-bas, comment c'était? Est-ce que les femmes étaient très réceptives ou ouvertes à vous qu'il y a des Québécoises comme ça qui s'occupent un peu des soins de maternité ou ils étaient un peu réticentes quand ils vous ont vues? Ben c'est pas facile à décoder au début. Puis, d'une part, il y a la barrière linguistique qui fait que ça complexifie un petit peu la façon dont on entre en relation avec les femmes, notamment les femmes en travail. Mais, puis aussi de comprendre qu'est-ce qui est acceptable dans le langage corporel. Est-ce qu'on peut toucher une femme en travail? Qu'est-ce qui est rassurant pour une femme en travail? La façon dont elle perçoit la douleur, c'est quoi qui est considéré acceptable comme expression, justement, de la douleur comme soulagement chez une femme en travail au Mali et non pas au Québec? Donc, nous, on arrive avec nos repères, puis c'est pas évident ça au début, mais on sentait que, tout comme n'importe quelle femme qui est en train d'accoucher, elles appréciaient la présence de quelqu'un qui était simplement là pour leur offrir un soutien, malgré la barrière linguistique. Mais en fait, notre séjour était si court que c'est pas évident de savoir à long terme comment notre place aurait été perçue de façon plus active. Là. Mais on était quand même assez impliqués là, dans le processus. OK. Puis parmi les défis, si je peux dire, est-ce qu'il y a vraiment des défis majeurs que vous avez rencontrés pendant vos stages qui vous ont vraiment fait travailler sur vous-même, que ça a été dur? T'sais, oui, il y a une barrière de langue ou une barrière de culture, mais qui peut peut-être se traverser facilement après découverte du pays puis contact avec les gens. Mais au niveau plus, je veux pas dire clinique nécessairement, là, mais est-ce qu'il y avait vraiment des choses qui étaient tellement différentes que vous n'étiez pas habitué de faire ou de voir que ça a été vraiment un choc? Mm-hmm. Oui, en fait, on se prépare à certaines choses, puis il y a des choses qui nous prennent par surprise. Donc, une chose pour laquelle je m'étais préparée, c'est qu'on savait qu'au Mali, comme dans plusieurs pays, il y a la réalité que plusieurs femmes sont excisées, c'est-à-dire qu'en bas âge, généralement, on a fait une ablation du clitoris et des petites lèvres, ce qui était une excision de type 2. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pouvait s'attendre à voir chez plusieurs femmes. Donc, je m'étais informée par rapport à ça. J'arrivais avec une certaine réflexion justement sur les origines de cette tradition-là, la signification que ça pouvait avoir au-delà de mon point de vue d'occidental. Mais en étant là-bas, bon, on voit les implications que ça peut avoir sur l'accouchement, puis aussi les interventions que ça engendre. Donc, je ne m'attendais pas, par exemple, à ce que... du fait que les femmes ont été excisées, il y a un tissu cicatriciel qui est plus important au niveau du périnée, au niveau aussi, en fait, plus du clitoris qui était là. Chez plusieurs femmes, on va faire une épisiotomie au moment de la naissance de la tête, qui est quelque chose qu'on ne voit pas fréquemment ici, chez les femmes qui accouchent naturellement et puis... qui n'ont pas eu d'excision, justement. Donc ça, c'était frappant. Il y a aussi les rapports hommes-femmes qui sont différents. On se prépare à quelque chose de différent, mais c'est quelque chose qui peut être heurtant au début dans la façon dont une femme s'adresse à un homme ou un homme s'adresse à une femme. Et pas juste homme-femme, mais les rapports hiérarchiques aussi entre patron, entre sage-femme, entre médecin, sage-femme, médecin, infirmière, infirmière et puis aussi entre figures d'autorité familiale et autres membres de la famille. Donc, c'était vraiment des subtilités qui pouvaient être confrontantes au quotidien dans la façon dont les gens s'adressaient les uns aux autres, mais que finalement, on comprenait qu'il y avait un sens à tout ça, mais qui est loin de notre réalité, là. OK. Puis, j'imagine que ton expérience au Mali a peut-être, ou non, en fait, tu vas me dire, changé ta perception de la pratique sage-femme québécoise. Est-ce que ça a eu un impact un peu sur quand tu es revenue au Québec? Ou... Mais je veux encore qu'on reste au Mali, là, sans trop revenir tout de suite au Québec, mais... Est-ce que là-bas, tu comparais les deux modèles de pratique puis tu remettais en question certaines choses ou pas du tout? Oui, je remettais en question, mais en même temps, je reconnaissais qu'on avait un beau modèle au Québec, mais je pouvais pas m'empêcher de me dire, mais c'est intéressant comment, peu importe où on est, peu importe notre profession ou en fait notre culture, on fait ce qu'on pense qui est le mieux. Je pense que tout être humain va chercher à faire ce qu'il pense qui est le mieux pour une situation donnée. Puis je me dis, on a tous ce souci-là, que ce soit au Mali, au Québec, les sages-femmes, les médecins, etc. Je pense que tout le monde travaille avec un souci de bien faire et de rendre service, de veiller à ce que tout se déroule d'une manière positive et bénéfique. Dans ce sens-là, ça m'a fait réfléchir sur notre pratique au Québec. Puis aussi, ben, je me disais que notre modèle de maison de naissance, qui est un modèle qui est en vie dans d'autres pays aussi, c'est vraiment un modèle unique en soi parce que c'est un centre communautaire, pas un centre communautaire, mais un lieu physique dans la communauté où les femmes, les familles viennent pour un suivi de grossesse, mais reviennent ensuite pour des activités en postnatal, pour se réunir, c'est un lieu physique de réunion. Donc, ça, c'est important aussi. Puis ça symbolise aussi la pratique sage-femme au Québec. Puis la pratique sage-femme au Mali, en fait, est-ce que, je ne sais pas si tu es au courant de la formation des sages-femmes au Mali? Il y a une formation qui est reconnue par l'État, mais je ne pourrais pas la décrire en détail. Mm-hmm. Sauf que ce qui est intéressant au Mali, c'est qu'il y a les sages-femmes reconnues par l'État, mais il y a également d'autres personnes qui sont impliquées en périnatalité, notamment les infirmières périnatales, mais aussi il y a les matrones. Selon leur niveau de connaissance, leur niveau de pratique et puis leur parcours, elles vont porter un titre différent. Mais les sages-femmes sont reconnues par l'État et travaillent généralement dans un centre de santé. OK. Puis est-ce qu'il y a des... Parce que souvent, c'est sûrement un préjugé, si je peux dire, mais on pense que dans les pays peut-être... bref, qui ne sont pas nécessairement occidentaux ou... en Amérique, qu'il y a des sages-femmes plus traditionnelles dans des villages ou qui ne sont pas nécessairement formées. Est-ce que tu as vu ce genre de sages-femmes-là plus traditionnelles au Mali ou c'était vraiment dans la maternité les seules sages-femmes que tu as vues? Non, effectivement, nous, on était principalement dans un milieu de stage où il y avait des sages-femmes reconnues par l'État. Ouais. Puis on était à Bamako aussi, alors il faut dire qu'on pratiquait, on n'était pas en, notre milieu clinique ne se situait pas en milieu rural. Ouais. On était vraiment dans un grand centre de santé. Donc, c'est différent. Les acteurs qui sont en jeu qui sont impliqués sont différents, là. Puis, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter de ton stage? Même si tu dis qu'il était court, c'est quand même plusieurs semaines que tu as passé là, au Mali dans une autre culture. Est-ce qu'il y a des anecdotes qui sont arrivées? Ben, en fait, on en a plusieurs à raconter parce qu'une journée ne ressemblait pas à la précédente ni à la suivante. Okay. C'est-à-dire qu'on arrivait en salle d'accouchement et on ne savait jamais ce qu'on allait découvrir ou ce qu'on allait vivre comme émotion. Puis, on avait toujours la chance de rencontrer des gens extraordinaires, de voir une grand-maman qui était fière de prendre son petit enfant dans ses bras ou une mère qui, même malgré son cinquième, semblait vivre quand même de grosses émotions à l'idée de s'apprêter à mettre son bébé au monde. Mais oui, on a eu toutes sortes de surprises, notamment des expériences auxquelles on est moins confrontés ici au Québec. Et puis, je pense, par exemple, au fait qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas les sous pour avoir un suivi de grossesse et puis qui ne peuvent pas se permettre d'aller voir la sage-femme ou le médecin pendant leur grossesse. Donc, des fois, il y a des femmes qui arrivaient en travail intense, prête à pousser, et puis qui n'avait pas eu une rencontre. Donc, ça a été le cas un jour où il y a une maman qui est arrivée en travail, et puis elle semblait très avancée, effectivement, en l'examinant. je m'aperçois que ça prête à commencer à pousser. Elle est à dilatation complète et le bébé commence à descendre dans son bassin. Et puis, peu de temps après, ben, le bébé naît, mais on s'aperçoit avec l'autre étudiante stagiaire qui était une amie de ma cohorte, que le ventre de la maman est quand même toujours haut. Pour une maman qui vient d'accoucher. Et puis, en palpant son ventre, Lucie, qui était avec moi, confirme, en écoutant aussi avec le fœtoscope, le pinard, en fait, qu'il y avait bien un deuxième cœur dans le ventre de la maman. Et en annonçant à cette femme-là qu'elle attendait un deuxième bébé, mais c'était vraiment quelque chose d'inattendu pour elle, parce qu'elle a réagi en disant « oh là », qui est un peu comme « oh mon Dieu, deuxième bébé ». Donc ça a été vraiment... toute une surprise à la fois pour nous, mais pour cette femme-là qui peut-être s'attendait vraiment pas à avoir un deuxième bébé. Là. Donc, effectivement, le deuxième bébé est arrivé par les fesses, en siège. Puis, ça a été une expérience vraiment marquante dans notre stage. Fait que c'est vraiment un stage rempli d'expériences tellement enrichissantes, je pense. Puis, à ton retour au Québec, tu es revenue avec ton petit baluchon d'expérience comme ça. Mais comment tu t'es sentie en revenant au Québec? Déphasée. Oui. Bien, à la fois contente d'être revenue, mais on a... moi, je trouve qu'en retour... Au retour de n'importe quel voyage, on a un pied ici, puis on a encore un pied en voyage. Là, t'sais, on a la tête ailleurs, c'est ça. Ouais, puis c'est pas évident de reprendre le rythme d'ici. Et puis aussi de se réapproprier les repères d'ici, parce qu'on était habitué à travailler à un, pas juste un rythme différent, mais avec un nouveau cadre de référence dans ce qui est normal, ce qui est pas normal. Donc, ça a été une adaptation de me retrouver en maison de naissance, dans des accouchements en maison de naissance, ou à domicile, par exemple. Donc, ça a été très, très, très intéressant, mais ça m'a pris un temps d'adaptation. Puis, ce qui m'a manqué aussi, je dirais, c'est la chaleur humaine. On a fait beaucoup d'apprentissage au niveau clinique, mais ce qui prend encore plus de place, à mon avis, c'est les rencontres qu'on fait, c'est les souvenirs au niveau des liens qu'on a tissés avec les gens, qu'on a côtoyés au quotidien, qui était plus qu'un voyage où on est nomade, où on se déplace d'un endroit à l'autre, mais vraiment, c'était comme si on allait travailler à tous les jours avec, avec les gens du centre de santé où l'on était. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous suit puis qu'on porte encore, même un an et demi après, là. Oui, puis sûrement toute ta vie en même temps, ça va te suivre pendant tout le long de ta pratique. Les futures étudiantes qui désirent ou qui vont partir en stage à l'étranger, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que tu as des conseils à dire, un coup rendu sur place dans un milieu qui est normalement totalement inconnu là, pour les étudiantes qui arrivent? Moi, je les encourage à... savourer cette expérience-là, qui est très intense par moment, mais qui est une expérience qui est marquante à vie, je suis certaine. Puis aussi, de se donner le temps de comprendre ce qu'elles voient, ce qu'elles sentent, ce qu'elles entendent. Parce que des fois, quand on voit quelque chose qui est très frappant avec nos yeux d'ici, on a tendance à juger rapidement ou à être révolté ou choqué. Et puis, ce qui est très enrichissant, c'est d'aller voir, mais qu'est-ce qui explique tel comportement ou c'est quoi la croyance sous-jacente derrière telle habitude ou telle croyance ou telle pratique obstétricale. Et c'est là que ça peut faire place à des échanges fascinants. Puis autant au niveau de l'obstétrique que des relations hommes-femmes, que de la famille, que de la religion. Donc, moi, je dirais, allez-y avec une ouverture d'esprit. Mm-hmm. Ouais. Parce que c'est ça, c'est pas seulement un stage clinique où on apprend les pratiques obstétricales d'un autre pays, mais c'est totalement s'inclure dans une autre culture, puis vraiment découvrir des hommes, des femmes, des familles différentes ou pareilles comme nous qui doivent nourrir tout le bagage d'une étudiante sage-femme, là. Tout à fait. Ben on se rend compte avec le recul que la dimension clinique est secondaire. Oui, c'est ça. Ouais. Puis qu'on est semblables, finalement, malgré les différences. On a beaucoup, beaucoup de ressemblances. Et puis, c'est ça qui est fascinant là, à découvrir. Puis, est-ce que dans les prochaines années, pour toi, est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais peut-être un jour de faire de la pratique sage-femme à l'étranger ou de retourner dans un milieu à l'international? découvrir d'autres pratiques sage-femme? Absolument, absolument. Okay. Puis le Mali en particulier, ça, comme je disais au début, ça a été un coup de cœur. Quand j'ai quitté, je me suis dit, je vais revenir ici un jour, c'est assuré. Mais il n'y a pas que le Mali aussi, c'est clair que j'aimerais aller ailleurs, mais je trouve qu'on a tellement à apprendre de ces expériences-là, c'est tellement enrichissant que je ne peux pas imaginer ne pas revivre ce type d'expérience-là. OK. Bien, merci beaucoup, Manon, pour ton expérience hyper enrichissante. Puis, on va te souhaiter une autre belle année de pratique sage-femme, puis au moins un autre beau voyage au Mali, mais aussi ailleurs dans le monde pour découvrir, puis que tu puisses transmettre aussi ta passion, je pense, aux autres sages-femmes dans le monde, puis que, et à l'inverse, qu'eux te transmettent aussi leurs connaissances. Donc, merci beaucoup d'être venue ce matin à l'émission. Merci. Alors, on s'en va en musique avec les Ogres de Barbac avec la pièce « Printemps ». Ce sera suivi d'une pause publicitaire. Monsieur Leblanc, juste une fois. Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite international et la connerie humaine dans le dîner de cons sur Sifu 89. Dans le cul, dans le cul, dans le cul. Va te faire foutre, tiens. Toi aussi, va te faire foutre. Oh, mais quel connard, ce type. Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Vous êtes étudiant dans le domaine de la santé ou du génie? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux conçu pour vous et adapté à vos besoins. Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale au 5620 boulevard Jean 23. Visitez banquedelasanté.ca ou banquedesingénieurs.ca pour en savoir plus. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. À l'UQTR, c'est vous dans vos oreilles. Vous êtes de retour à C'est fou 89.1 à connaître ensemble l'émission sur la périnatalité. Alors, nous allons maintenant écouter une entrevue préenregistrée que notre collaboratrice Annie Léger a fait en compagnie de Mme Lise Gagnon, qui est sage-femme québécoise, qui a travaillé en Haïti suite au tremblement de terre catastrophique qui a eu lieu en janvier 2010. Bonne écoute. Bonjour, Lise Gagnon. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette entrevue avec nous. Alors, vous êtes sage-femme et issue de la première génération là, de sage-femmes contemporaines au Québec. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours en tant que sage-femme? Mon parcours est traditionnel et je suis contente d'avoir joint les rangs des contemporaines. parce que quand je vous regarde, les jeunes sages-femmes, vous êtes beaucoup plus statisticiennes et beaucoup plus evidence-based. Et je suis plus de la formation empirique, mais bon, ayant été acceptée dans les rangs par les examens de l'Ordre et de l'UQTR, nous avons été travailler dans les projets pilotes. Pendant 5 ans, j'étais à Gatineau. Ensuite, je suis venue remplacée à Sherbrooke et à Montréal, et je suis toujours à Montréal à temps plein. Voilà. OK. Et vous avez travaillé beaucoup à l'international dans le cadre de missions humanitaires. Qu'est-ce qui vous a poussé initialement à faire ce type de travail? Je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Un peu toutes nous autres, les sages-femmes, on veut aider. C'est un peu égoïste au départ. On se pose la question pourquoi on veut devenir sage-femme. Mais la plupart du temps, en tout cas, on est de cette nature-là. On veut aider. J'ai été poussée à plus avant par le cours de gestion internationale donné par la SOGC, dont j'ai eu le loisir de suivre le cours en anglais et le cours en français. Et j'ai rencontré des gens. On est commencé à partir en mission pour aller enseigner 2 semaines d'urgence obstétricale, l'application de la ventouse, des petites réas, des choses comme ça. Et je suis allée dans plusieurs pays. Donc, ça m'a vraiment donné le goût d'y aller individuellement, par moi-même, bénévolement aussi. OK. Et on sait que vous revenez d'Haïti, pays gravement touché par un séisme le 12 janvier 2010. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience là-bas? Et je crois que vous êtes allé à plusieurs reprises, d'ailleurs. Je reviens, c'est la 5e fois que je vais en Haïti. J'y étais allée depuis 2004 et à un moment donné, bon, on fait des rencontres avec des médecins, des sages-femmes. J'ai déjà été un mois à l'école d'infirmière sage-femme et à l'hôpital universitaire de Port-au-Prince par le passé et j'ai eu le loisir de donner des gestas juniors. Le premier cours que les étudiants ont eu sous la tente au mois d'août l'été passé était absolument torride. On manquait de des coups de chaleur. C'était absolument insoutenable et ils arrivaient pour leur cours en chemise blanche, cravate. Ils étaient absolument impressionnants de voir leur persévérance et leur courage. Par la suite, suite au tremblement, je suis allée avec une étudiante sage-femme, Caroline Girard, et avec l'organisme Circle of Health International. La SOGC m'avait téléphoné pour organiser une mission 2 semaines après le séisme, mais bref, la mission a été reportée à plus tard, et comme j'avais déjà organisé mon congé avec la maison de naissance, j'ai décidé de partir quand même, et on a été là 6 semaines. Mais comme il n'y avait plus d'avion qui atterrissait à Port-au-Prince, il a fallu passer par Saint-Domingue, Santo-Domingo. Et là, en cours de route, on a vu que les gens étaient tous refoulés à la frontière de la République dominicaine. Et on a commencé, Caroline et moi, à distribuer des kits d'accouchement propre dans les camps, parce que les femmes accouchaient toutes seules dans leur tente. Et on a fini par s'installer à Fonds Parisien, à une communauté chrétienne qui s'appelait Christ pour tous. Et on a commencé à faire installer une maternité à partir des 2 gros sacs de hockey qu'on avait apportés chacune. On n'avait rien pour commencer. On était sur le sol, on était avec les coquerelles, les souris, les rats qui passaient la nuit. Et on faisait du 20h sur 24. On était vraiment on assistait 3 à 4 accouchements par jour. C'était vraiment très élémentaire comme pratique. Dans la journée, on voyait 50 de consultations, tant en prénatale qu'en gynécologie et la plupart du temps des ITS. Alors, on y allait aux symptômes avec le petit mémo de périnatalité, puisqu'on n'avait pas de laboratoire, comment on pouvait déterminer quelle sorte d'ITS il s'agissait. Alors, on a travaillé vraiment très rudimentaire, très élémentaire, mais ça nous a permis le système D, la débrouillardise. Oui, tout à fait, la vitamine D, système D plutôt. Avez-vous travaillé ailleurs dans le monde ou est-ce qu'il y a des endroits qui vous attendent, là, d'autres projets? Bien sûr, dès ma retraite, j'ai beaucoup de projets auxquels je voudrais participer, mais je voudrais pouvoir déterminer moi-même les périodes, les quand, les comment j'y vais, combien de temps j'y vais, parce que Médecins sans frontières, Médecins du monde demandent des assez longs séjours et je pense pas qu'à mon âge, j'ai vraiment envie de m'en aller des 9 mois, 1 an de temps, mais tu peux aller aider certainement 1 mois, 2 mois, 3 mois à plein d'endroits. Je suis allée, moi, au Mali. J'ai eu la chance d'aller au Mali, en Guyane anglaise, au Guatemala. J'ai fait une formation de matronesse au Mexique. Je parlais pas mayen. C'était vraiment une traductrice. Alors, je suis pas sûre de ce que les matrones comprenaient tout à fait, là. Mais bref, qu'est-ce que j'ai fait à part ça? Haïti, oui, bien sûr, plusieurs fois. Est-ce qu'il y a un endroit qui a été plus difficile qu'un autre dans ces différents pays visités? On dirait que le Mali est encore plus démuni qu'Haïti. Est-ce possible d'être plus démuni qu'Haïti, malgré qu'ils ont... Ils ont une structure, des CESCOM, mais ils ont une structure pas mal bien organisée. Et je pense que vous pourriez parler à vos consoeurs qui sont allés en stage au Mali. Elles pourraient vous en raconter beaucoup, mais personnellement, j'ai trouvé qu'au Mali et Haïti, ça se ressemble beaucoup. Ils ont pas beaucoup d'équipement. Ils partent d'une pratique un petit peu plus médicale que la nôtre. Puis, quelles sont les différentes formes d'aide humanitaire, c'est-à-dire, ça peut être soit, j'imagine, plus, ponctuel en temps de crise ou pour aller développer des maternités, un projet à moyen long terme qui reste pour la communauté par la suite. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces différentes formes de travail humanitaire-là? Sans que ce soit nécessairement pour répondre à une crise, il y a d'énormes besoins. En Haïti, j'ai un désir d'aller mettre sur pied d'autres maternités. Et pour ce faire, je vais devoir solliciter l'aide de tout le monde ici parce que le matériel pour s'acheminer là-bas, c'est très compliqué. Là, je me suis fait donner une machine à échographier. Là, on ne sait pas si ça fonctionne comme il faut, mais bref, c'est ça. C'est à la mesure de sa capacité d'aller voir quels sont les besoins. Moi, j'ai vu que mettre sur pied une maternité, ça aiderait beaucoup. Maintenant, là, j'arrive d'un mois où j'ai assisté des accouchements à Croix des Bouquets, qui est une maternité mise sur pied par la SOGC, Figo, Chog, plusieurs organismes qui contribuent financièrement et matériellement au bon fonctionnement de la maternité. Et je vous dirais que malgré tout, on manque de tout. Les femmes accouchent sans piquer, on peut rien leur mettre sous les fesses, les bébés n'ont pas de couverture, pas de chapeau, le matériel de réanimation est complètement absent ou déficient. Elles obtiennent des médicaments par des dons, les MGSO4, tout ça parce qu'elles composent avec beaucoup, beaucoup de situations dont nous, on ne compose pas avec. Alors, une sage-femme là-bas peut très bien avoir des femmes, la plupart du temps, qui n'ont pas passé d'échographie. Alors, dans une nuit, on assistait à peu près 13 accouchements. La sage-femme est toute seule et là-dessus, il pouvait y avoir 3 sièges, autant de couples de jumeaux, tout ça surprise, là. Présentation podalique, etc., etc. Puis, elle compose avec, tout naturellement, parce qu'il n'y a pas autre chose, là, de possible. Je pense que toutes les initiatives, en autant qu'on n'arrive pas avec nos gros sabots dans les pays qui ont besoin d'aide, en autant qu'on arrive humblement et qu'on s'adapte à leurs besoins, qu'on leur demande qu'est-ce que vous avez besoin, où vous voulez que j'aille. Alors moi, là, je suis allée assister des accouchements de nuit, j'ai fait les gardes de nuit à Croix des Bouquets parce que c'était là leurs besoins. Il manquait de personnel. J'ai même assisté une dizaine de césariennes, assisté le gynéco parce qu'il manquait de personnel. Pendant que j'étais là, j'ai enseigné une petite réa, différentes urgences obstétricales revisées avec les sages-femmes parce que elles les font pas tout à fait comme nous on les a appris, mais bon, elles ont leur façon de faire et elles se débrouillent très bien, donc c'est à nous à s'adapter à chaque endroit où on s'en va. Puis, comme docteur Laurie Adrien me disait, essaye d'améliorer un petit peu là, avec la théorie du petit pas. Puis, justement, à ce sujet-là, en termes de la façon dont est reçue l'aide humanitaire, on sait que, selon la forme qu'elle prend, ça peut susciter des opinions controversées. Pour votre part, que pensez-vous de la coopération internationale? Parfois, un gros chaos. Parce que, bon, je te donne juste l'exemple de où j'étais, moi, à fond parisien, arrivait une équipe d'une cinquantaine d'Américains. Je dis Américains parce que ce sont eux que j'ai rencontrés. Il y avait une cinquantaine de bénévoles d'un autre pays et qui, à chaque fois, voulaient réinventer la roue. C'est-à-dire, on avait déjà installé un petit système d'archives, un petit système de triage, un petit système de pharmacie, de pharmaco. Et à chaque nouvel organisme qui arrivait à chaque semaine, voulait installer son système à lui. À un moment donné, ça crée le chaos parce que tu défais qu'est-ce que l'autre a fait et t'avances pas comme ça. Donc, je me dirais que ça prend le pays qui se tienne, quelqu'un du pays qui puisse dire voilà nos besoins et voilà dans quel ordre on en a de besoin. Parce que présentement, chaque organisme avec son gros égo veut faire du bien, mais parfois défait ce que l'autre a fait avant. Comme ça, on n'avance pas. Je peux pas te parler à longue sur les ingénieries, sur la structure des routes, sur les aqueducs. Il y a eu tout plein de cafouillages dont j'ai entendu parler pendant que j'étais là. Et tout plein de choses qui ont été défaites quand un autre organisme le faisait. Donc, je me dirais, faut que ça soit chapeauté par le pays. Il faut qu'il y ait vraiment une espèce de collaboration très humble qui soit faite par les organismes qui veulent venir aider, mais pas essayer d'instaurer une loi à chaque fois qu'on y va. Notre loi. Puis quand c'est fait justement suite à une demande du pays, j'imagine que c'est beaucoup plus apprécié et mieux reçu par la population du pays. Les Haïtiennes que moi j'ai aidées sont extrêmement reconnaissantes même de recevoir un sourire. Tu apprends un petit peu de créole, puis tu leur parles en créole un petit peu. Puis les étudiants à qui j'ai donné le cours, lorsque je mettais un peu de créole dans mes présentations, ils étaient absolument Kembe Feb, palagués, pas lâchés, on tient ferme. Ils étaient absolument ravis. Ils sentent qu'on est vraiment là de tout cœur pour les aider. C'est ça, on doit y aller avec beaucoup d'humilité, laisser notre ego à la porte, puis qu'est-ce que vous avez de besoin, puis ça peut être des tâches très humbles ou ça peut être des tâches très scientifiques, je ne sais pas, mais pour ma part, c'est d'être sage-femme avec toute mon humanité, en lavant ma paire de gants parce qu'il n'y en a pas d'autres, puis c'est ça. Puis, j'imagine que c'est très vaste comme question, mais ce serait quoi les défis majeurs qui sont rencontrés dans ce type de travail, outre, j'imagine, le peu de matériel avec lequel on doit composer? Essayer, peut-être par l'exemple, de, si tu composes avec un siège, que les autres apprennent la pas nécessairement le Love Set, le Maurice Roosevelt, c'est pas nécessairement des techniques comme ça, mais que les gens autour de toi, pour qui tu travailles, avec qui tu travailles, comprennent qu'il y a une façon de faire les choses qui doit être assez uniforme. On peut pas juste faire des fantaisies. l'hygiène, apprendre un peu de la langue du pays pour pouvoir communiquer avec les femmes si tu as besoin de les aider, te donner des conseils. Quand j'arrivais dans la maternité, je demandais, bon, où vous avez besoin de moi? Et je prenais le rôle qu'elles avaient besoin que je prenne. Les défis, je pense que c'est... on détient des connaissances et des techniques ici qui n'ont pas lieu d'être. Et là-bas, la sage-femme, elle va faire une pratique très élargie. Elle va devoir suturer une déchirure du col. Elle va devoir se débrouiller avec des choses que nous, on n'a pas l'habitude de faire. Donc, il faut aussi apprendre leur manière de faire puis s'adapter à ça. Encore une fois, le système D, débrouillardise, hein? Oui. Et puis, justement, il y a beaucoup d'étudiants de sages-femmes, beaucoup de sages-femmes et de gens qui aiment voyager. Et l'idée d'aller aider à l'international, c'est toujours... Bref, ma question est, est-ce que ça prend un tempérament ou des habiletés particulières pour faire ce type de mission? Je pense que oui. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Premièrement, c'est un choc. Quand je suis arrivée la première fois, Dr. Laurent Adrien m'avait averti, Lise, tu vas être en choc. Bon, et puis j'ai été en choc parce qu'il y avait 50 box dans la salle d'accouchement où il n'y avait aucun père de présent et aucune famille était admise. Et il y avait une dizaine d'internes, de résidents, d'étudiantes, d'infirmières sages-femmes. Et cette femme-là, sur son box, c'était à sa table, avec une table haute gynécologique avec les pieds dans les étriers, subissait plusieurs examens gynécologiques de conséquemment parce que, puis elle se poussait sur sa table un peu comme si elle était violentée. Bon, tout ça, cette façon de faire-là est un choc pour nous. Nous qui avons l'habitude de voir l'intimité, de respecter l'intimité, d'avoir ce que j'appelle un peu... des clientes précieuses, des clientes qui ont beaucoup d'exigences, une pratique entourée de technologie, on manque de rien, je dirais, bon, enfin. Et là-bas, il n'y a rien. Et tu viens pour réanimer un bébé, il n'y a pas l'oxygène, il n'y a pas une poire à aspirer, il n'y a pas un délit, il n'y a pas une ambubague, il n'y a pas... Alors, parce qu'il manque de tout, Tu dis, moi, je vais regarder qu'est-ce que j'ai autour de moi. Si j'ai à faire un accouchement ici, qu'est-ce que j'ai pour me débrouiller si jamais? Ben, tu vas voir des gens aspirer le bébé avec leur bouche. Tu vas voir des... C'est tellement différent que tu es en choc. L'hygiène, c'est pas la même chose. Je te dis pas que les sages-femmes sont pas bien formées. Je te dis pas que les médecins sont pas bien formés. C'est différent parce que si la femme n'a pas apporté son linge pour mettre sur la table d'accouchement, si elle n'a pas apporté une couverture de bébé, ils en ont pas. L'hôpital en a pas. Fait que si elle a souillé son linge en chemin avec le liquide amniotique ou du sang, ben si elle n'a pas apporté de change, elle n'a rien d'autre à se mettre. Le bébé, si la mère n'a pas apporté de couverture, on n'a pas de couverture, on n'a pas de chapeau de bébé, on n'a pas de pince à cordon, ils prennent de la corde pour attacher l'ombilique. En tout cas, bref, c'est un choc au départ de voir comment on n'a rien, on n'a trois fois rien, et c'est un choc de voir comment ils traitent les femmes. Les femmes n'accouchent que sur le dos. Alors, c'est sûr qu'à chaque fois que je vais faire un gesta, je parle des choix des femmes. La femme a le droit, les droits sexuels et génésiques des femmes. La femme a le droit à un bon suivi prénatal. Elle a le droit à quelqu'un compétent à son accouchement. Elle a le droit aussi à son choix de position d'accouchement. Elle a le droit à la confidentialité. Elle a le droit à l'intime, à l'intimité. Tandis que là, tout le monde va les voir. Là, tu sais, ils sont comme, il n'y a pas de rideau, là. Il n'y a pas d'intimité, là. Puis elle est nue sur sa table. Puis c'est comme ça. Puis elles accouchent une à côté de l'autre. Alors ça, c'est un choc au tout début. C'est un choc au départ. Puis tu t'en vas pas révolutionner la planète avec ta petite philosophie de pratique sage-femme. Tu t'en vas juste essayer d'améliorer un petit peu, toi, en apportant, en tenant la main de la femme, en respirant avec elle, puis en lui parlant tout simplement, choses qui ne sont pas faites. Les femmes accouchent pas mal toutes seules là-bas. Et avez-vous des conseils particuliers aux sages-femmes qui voudraient faire ce genre de mission? Peut-être de si elles avaient l'opportunité d'aller faire un stage en tant qu'étudiante, ce serait un lieu de stage extraordinaire. Quand je vous dis dans une nuit, là, on se retournait de bord et on avait trois sièges spontanés et même pas compliqués, un après l'autre, et puis c'est comme ça, et puis tu te poses pas de questions. Tu laisses le bébé sortir et tu l'accueilles. Et puis, il n'y en a pas de difficultés que j'ai vues, moi, en tout cas. Peut-être qu'il y en a à des moments donnés où j'étais pas là, mais ceux que j'ai vus pendant le mois que j'étais là, les sièges, les jumeaux, tout ça, c'est comme... Ça, c'est tellement un lieu de stage, tellement un lieu d'apprentissage, sauf que si à un moment donné, parce que là, le cours qui est le ministre qui est sortant, parce qu'il y a eu de nouvelles élections, le ministre voudrait absolument signer le nouveau curriculum qui va être basé, inspiré du cours de l'UQTR, un bac de 4 ans, parce que là, présentement, ils sont infirmières avant de devenir sage-femme. Et là, ça va être l'entrée directe basée sur... Mais le cours de l'UQTR n'est pas adapté aux besoins d'Haïti. Présentement, comme je vous disais, il y a une pratique beaucoup plus élargie là-bas. Alors, le besoin de formation des sages-femmes là-bas est un cours en échographie, est un cours en réparation cervicale et aspiration, bon, toutes sortes de choses qu'on n'a pas dans notre formation à l'UQTA. Et peut-être que c'est le lieu de stage, d'aller en Haïti en tant que lieu de stage qui serait la meilleure préparation pour les femmes qui voudraient aller aider là, dans ce pays-là, du moins. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes ou quelques noms d'organismes? Je sais que vous en avez mentionné quelques-uns qui travaillent avec des sages-femmes dans un contexte de coopération internationale ou de mission humanitaire. Bien, c'est sûr que Médecins sans frontières, Médecins du monde, la Croix-Rouge. Moi, je suis allée avec Circle of Health International lorsque c'était au lendemain du séisme. COHI, ça c'est sur le... ils ont un site Internet. Bumi Sehat était un organisme de la philosophie des sages-femmes balinaises. Tania Laliadès est allée travailler avec eux à Jacmel. Mais je pense qu'il y a eu un schisme au sein même de l'administration de Bumi Sehat et que maintenant c'est un autre organisme qui a repris ça, mais on peut aller voir le site de Bumi Sehat qui est les sages-femmes balinaises et je pense qu'elles ont peut-être un nouveau lieu là où elles travaillent en Haïti. Il y en a tout plein, il s'agit juste de s'en aller sur le net et vous allez en trouver tout plein. Et vous êtes toujours en train de voyager et d'aller travailler à l'étranger. Donc, vous allez probablement repartir. Et puis, votre prochain projet serait où? Et j'imagine, pour le développement d'une maternité, concrètement, ça se passe comment? Vous faites ça à travers un organisme, certainement, mais on part d'où quand on fait ça? Bon, à l'automne prochain, je m'en vais pour plusieurs mois encore à Saluit et Pouvounitouk, comme je fais presque à chaque année. Et suite à ça, je vais partir en Haïti à nouveau. Alors, de moins 40 à plus 40. Et là, j'ai déjà ciblé des endroits où le besoin est criant pour une maternité. Les femmes de pays pourris dans les montagnes n'ont absolument aucune personne pour les aider avec leurs accouchements. Alors, je suis pas certaine encore, mais ça se pourrait qu'on s'installe vers Fond-Verrette. Là, comment on commence? Ben, on ne réinvente pas la roue. Je vais m'adresser à tous les organismes que je peux. Je vais demander de l'aide à tous les organismes que je peux. J'écris à beaucoup de compagnies. Je téléphone à beaucoup de compagnies et je leur demande du matériel. Maintenant, si ce sont des équipements volumineux, mettons une machine à échographie ou quelque chose comme ça, j'essaie de les envoyer dans un container par bateau. Par un organisme religieux ici à Montréal, qui envoie une fois par année un container. Il y a aussi la SOGC qui envoie un container de temps en temps. Bon, ensuite, moi, je vais apporter ce que je peux comme équipement en ayant sollicité là, toutes les compagnies, du Forêt-Lavigne, tout ça. Ils acceptent ordinairement de nous donner du matériel, les hôpitaux, les gens que je connais à l'international, tout ça. Bon, je me cherche toujours des mécènes pour pouvoir assurer des salaires là-bas, parce que si tu recrutes des sages-femmes haïtiennes, il faut tout de même les pays. Et ils ont très peu de paye par rapport à nous. Là. C'est tout petit leur salaire, c'est minuscule. C'en est ridicule, mais bon, c'est ça. Je vais essayer de mettre sur pied une maternité à nouveau en réinventant pas la roue, mais en demandant un registre au ministère de la Santé, un registre des naissances, pour commencer, pour que ce soit un lieu officiellement reconnu. Et ensuite, mais toujours un lieu où je voudrais ne pas charger, ne pas rien demander comme sous aux gens, toujours un lieu gratuit. Et puis, ben, je vais commencer avec un lieu pour l'étendre, pour qu'elle puisse accoucher. Je vais essayer d'avoir ce qu'il faut pour les urgences. Et on va partir de là. Des petits trucs pour la réanimation, des médicaments en cas de pré-éclampsie, des médicaments en cas d'hémorragie, des choses comme ça, des antibiotiques, etc., etc. Alors, c'est à la bonne foi, là, on part avec ce qu'on a quand on s'en va là-bas. C'est pas très compliqué, mais une fois qu'on a installé ça, il faut en assurer la pérennité. Et puis, comme il nous reste un petit peu de temps, est-ce que vous avez une petite anecdote, une petite histoire qui vous a marqué en particulier là, au cours de vos expériences? Une chose qui m'a bien impressionnée, c'est le premier accouchement que Caroline a assisté à Fond-Parisien. La dame insistait pour donner le nom de Caroline à son enfant. Elle l'a appelée Bella Carolina, Bella Carolina, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était magnifique. Et les gens, ils sont vraiment, ils ont tout plein de rituels je pourrais pas dire voodoo, mais de choses semblables auxquelles il faut s'habituer, des herbes qu'ils utilisent sur la tête du bébé pour protéger la fontanelle, etc., etc. Ça, c'est vraiment des choses qu'on connaît pas et qui sont intéressantes à comprendre. Bien, merci infiniment, Lise Gagnon. C'était fascinant. Vous allez certainement en inspirer plusieurs à suivre vos pas. Alors, merci d'avoir participé à l'entrevue. Ça m'a fait un grand plaisir. Alors, vous êtes de retour en onde. Merci énormément à Lise Gagnon et Annie Léger pour cette merveilleuse entrevue hyper enrichissante. Alors, je vous rappelle que toutes nos émissions vont être en ligne sur le site de Connaître, www.uqtr.ca/connaître. Alors, sur le site, ne cliquez pas sur Archives, allez plutôt dès la page de présentation. En bas, il y a un petit lien qui vous amène sur un site Internet où toutes nos émissions sont classées. Et les émissions depuis le 17 février vont être mises en ligne dès cette semaine. semaine. Donc, vous allez pouvoir avoir être à jour, en fait, sur nos émissions. Alors, suite à l'entrevue avec Manon Lachapelle, en première partie de l'émission, on vous rappelle, on en a parlé la semaine passée ou il y a deux semaines, je ne me rappelle plus trop, mais en ce moment, il y a des étudiantes qui sont au Mali et qui font un blog qui est vraiment génial, avec une super belle plume. Donc, allez voir sur Internet, c'est jobamako.unitaire.com, donc J-O-B-A-M-A-K-O. Unitaire en un mot.com. Donc, c'est le blog des étudiantes sages-femmes qui sont en ce moment en train de finir leur stage au Mali. Donc, c'est hyper intéressant si vous voulez voir des anecdotes, mais aussi vraiment l'évolution des filles là-bas. C'est vraiment super enrichissant. Donc, c'est la fin de l'émission. Alors, pour moi, c'était la dernière émission de la saison. La semaine prochaine, vous serez avec Jessica Boulanger, avec Périnatalité et Art social. Je tiens tout de suite à remercier Véronique Bazinet, qui était notre co-animatrice aussi, donc qui vous salue et qui sera pas présente à la session prochaine, parce que ce sera les étudiantes de première année qui vont rentrer, qui vont prendre le relais, parce que nous, la cohorte présentement, nous partons en stage. Alors, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Alors, c'est Connaître Ensemble. Donc, allez sur la page. Et sur cette page-là aussi, on met les liens de nos émissions pour vraiment en apprendre davantage. Ou si jamais vous voulez avoir accès à une émission antérieure pour un sujet ou quoi que ce soit. Chaque émission est vraiment classée par sujet. Donc, si vous avez une question ou un travail à faire, aller dessus. Alors, je tiens à remercier Annie Léger et Karine Bertrand qui ont réalisé cette merveilleuse émission. Rocio Vargas à la technique. Nos deux invités, bien sûr, Madame Manon Lachapelle et Lise Gagnon qui nous ont offert des témoignages vraiment géniaux. Merci aussi à la Chasse Galerie qui est notre commanditaire. Et au nom de toute l'équipe de l'émission Connaître Ensemble, je vous souhaite une excellente semaine et je vous laisse dans la douce musique de Voyageurs du CD Les Ogres de Barbac. Alors, bonne journée à tous. J'ai marché longtemps pieds nus, je n'avais plus besoin de chaussures, je prenais le temps voulu, j'y allais lentement mais sûr. Et si les voisins en colère de me voir partir comme un mendiant eurent un jugement de tonnerre sur toi, sur moi pendant tout ce temps, maman, je suis revenu. Il faut que tu comprennes la vie que tu m'avais voulu, cette vie n'était pas la mienne. J'ai quitté mon père, mille excuses. Le premier vit, mais le second est mort de peine et l'on m'accuse. Mais les cerveaux mal pensants, les oreilles malentendantes insultent toujours les passants, critiquent toujours les passantes. Maman, je suis revenu. Il faut que tu comprennes la vie que vous avez eue. Cette vie n'était pas la mienne. Repassez une fois, maman, t'en rappelles-tu? Il était déjà mort, tu vois, le temps jamais ne se rattrapait-tu? J'ai bien voyagé tout ce temps, mon sac à puce ne m'a jamais quitté. J'étais dehors, j'étais dedans, joyeuse envie, moitié mort affamé. Maman, je suis revenu, il faut que tu comprennes. Tu sais, la vie que j'ai eue n'aurait jamais été la tienne. Je vois qu'ici rien n'a changé, ça se passe comme dans mes rêves. Toujours le vent, toujours le blé, toujours les pins, toujours la serre. Qu'enfin vienne le temps des pleurs, des retrouvailles, des pardons, puis de l'oubli. Je suis malade et j'ai bien peur que ce soit là mes toutes dernières nuits. Maman, je suis revenu, mais la vie fait des siennes. Le temps de la trouver, vois-tu, par sans qu'elle ne nous appartienne. Maman, je suis revenu, mais la vie fait des siennes. Le temps de la trouver, vois-tu, par sans qu'elle ne nous appartienne. Par sans qu'elle ne nous appartienne. Par sans qu'elle ne nous appartienne. Par sans qu'elle ne nous appartienne. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles.